Bonjour et bienvenue à tous pour notre webconférence sur les contrats commerciaux, comment les rédiger et comment gérer les litiges. Je suis Mylène Volpiac, je suis ambassadrice chez Jury Travail et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagnée par Hugo Michelot. Bonjour Hugo. Bonjour Emilène et bonjour à tous. Et Hugo qui est juriste expert du coup chez Jury Travail. Avant de rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc les contrats commerciaux, petit tour d'horizon sur Jury Travail pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Jury Travail, c'est quoi? C'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans et 20 ans cette année. Nous avons une équipe de 50 juristes, dont fait partie Hugo, et plus de 700 avocats qui, chaque jour, décryptent l'actualité juridique et vont rédiger pour vous et pour votre entreprise des dossiers thématiques, des modèles de lettres, des modèles de contrats qui vont vous aider dans la gestion de votre entreprise au quotidien. Nos experts vous accompagnent dans vos démarches, quel que soit le domaine de droit. Et aujourd'hui, et nous en sommes très fiers, nous avons plus de 3000 entreprises qui nous font confiance et qui utilisent nos services quotidiennement. Services que nous avons créés spécialement pour les professionnels et les entreprises. Alors, quels sont-ils ces services? Nous avons créé deux formules, une formule pro et une formule premium. Ces formules vont vous permettre de contacter un juriste, donc dont Hugo, qui répondra à l'ensemble de vos questions, quel que soit le domaine de droit et quelle que soit votre problématique au sein de l'entreprise. Vous pourrez accéder à l'ensemble de nos dossiers, de notre base documentaire en illimité. Et bien sûr, tous ces documents-là sont à jour des derniers textes de loi. Et vous pourrez profiter de votre convention collective à jour des derniers accords. Je vous invite vivement, à l'issue de la webconférence, à aller sur le site de Jury Travail pour découvrir nos formules et choisir celle qui vous correspond le mieux et correspond le mieux aux besoins de votre entreprise. Vous avez également en bas de votre écran un petit bouton qui vous permet d'accéder directement à ces formules quand vous le souhaitez. Si tu le veux bien, du coup, Hugo, nous allons pouvoir commencer. Petit point du coup sur le contexte. Sur les contrats commerciaux. À quoi sert un contrat commercial? Avant tout, l'idée, l'objectif est de sécuriser la relation avec votre co-contractant et de prévenir d'éventuels contentieux. Il est primordial, du coup, d'apporter une attention particulière à la rédaction de vos contrats pour plusieurs raisons. Car c'est ce contrat-là qui va vous permettre de préciser les obligations et les conséquences, dans la poursuite des liens commerciaux en cas de manquement. Et point de vigilance également sur certaines clauses pour ne pas déséquilibrer vos rapports commerciaux. On va voir du coup ensemble avec Hugo pendant 45 minutes qu'est-ce qui caractérise le contrat commercial, comment ça fonctionne et surtout quels sont vos recours, comment régler les litiges éventuels avec vos co-contractants. Pour ce faire, nous avons divisé la webconférence en cinq grandes parties. Dans un premier temps, Hugo vous rappellera les règles en vigueur sur le contrat commercial. Nous avons fait un focus du coup sur le contrat de prestation de service, le contrat de partenariat commercial et celui d'apporteur d'affaires, qui sont les contrats commerciaux parmi les plus répandus. Et ensuite, nous avons une partie entière qui est dédiée aux litiges que vous pouvez rencontrer. Hugo, si tu le veux bien, nous allons pouvoir commencer avec la première grande partie sur les définitions et les règles en vigueur. Et dans un premier temps, quelles sont les caractéristiques du contrat commercial et qu'est-ce qu'un contrat mixte? Merci Mylène pour cette petite présentation sur cette thématique. Pour commencer, on peut dire que le contrat commercial est un acte juridique incontournable dans le monde des affaires. Il définit et régit la relation commerciale qui lie les parties au contrat. Et toutes les entreprises sont fréquemment amenées à rédiger un contrat commercial. Pour le définir simplement, ce contrat commercial, disons que c'est un acte juridique conclu entre un acheteur et un vendeur dans le cadre d'une activité commerciale. Et cet acte va être qualifié de commercial, soit parce qu'il est conclu par un commerçant professionnel, soit parce qu'il a un objet commercial, tout simplement. Et les actes de commerce par nature sont listées aux articles L110-1 et L110-2 du Code de commerce. On peut en citer quelques-uns. On retrouve les achats de biens meubles pour les revendre, les achats de biens immeubles aux fins de les revendre également, les entreprises de location de meubles, par exemple les entreprises de location de véhicules, les entreprises de manufacture, de commission, de transport, etc. En ce qui concerne le contrat mixte, celui-ci, on peut le qualifier de contrat hybride. Il va revêtir un caractère commercial et civil, et on le verra un petit peu plus en profondeur sur les prochaines questions où justement on voit ce contrat mixte apparaître dans certaines situations. Merci beaucoup Hugo. Je ne vous l'ai pas dit, mais évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez d'ores et déjà les poser dans l'onglet chat qui se trouve à droite de votre écran. Nous prendrons un temps avec Hugo en fin de webconférence du coup pour répondre à un maximum de vos questions. Autre point, quelle est la différence entre un contrat civil et un contrat commercial ? Alors, avant de parler de différence entre le contrat civil et un contrat commercial, on peut évoquer leurs points communs. Le contrat civil et le contrat commercial sont tous les deux soumis au droit des obligations. Et ils sont encadrés par le Code civil, le régime général, notamment aux articles 1101 et suivants de ce Code. Néanmoins, le contrat civil et le contrat commercial n'ont pas le même objet. Et ils ne sont pas signés par les mêmes intervenants. Un contrat sera dit commercial s'il est signé entre deux commerçants ou entre un commerçant et un particulier. Et c'est à ce moment-là où justement on peut parler de contrat mixte dans cette situation. Tandis que le contrat signé simplement par deux particuliers sera lui qualifié comme un simple contrat civil. Merci beaucoup, Hugo. Quels sont les différents types de contrats commerciaux ? Il existe différentes sortes de contrats commerciaux. Les plus fréquemment utilisés sont les suivants. Il y a le contrat de vente de biens, le contrat de bail commercial, le contrat de sous-traitance, le contrat de distribution, le contrat d'agent commercial. Et on peut retrouver aussi le contrat de prestation de service, le contrat de partenariat commercial et le contrat d'apporteur d'affaires. C'est quoi ? Ces trois derniers contrats sont justement ceux qu'on va étudier un petit peu plus en profondeur aujourd'hui. Et petite précision là sur la liste des contrats que je viens d'évoquer n'est pas exhaustive. Il en existe plein d'autres. Si cela vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur notre site juritravail.com pour accéder justement à des dossiers qui sont plus complets sur le sujet et notamment sur ces contrats bien spécifiques. Exactement, merci Hugo. Vous avez effectivement des dossiers thématiques dont je vous parlais tout à l'heure qui sont rédigés par nos juristes experts et à l'intérieur, vous retrouverez des modèles de contrats créés par nos juristes. Donc personnalisables qui vous permettront du coup d'avoir des modèles à jour des derniers textes de loi. Nous allons pouvoir passer à notre deuxième grande partie et donc le focus sur un des contrats et donc le contrat de prestation de service. Alors le contrat de prestation de service, ça va être un contrat par lequel un professionnel s'engage à réaliser un service pour le compte d'un client. En échange d'une rémunération. La rédaction du contrat de prestation de service est une étape cruciale pour le prestataire de service, mais également pour le client, car il permet de protéger les parties en cas de litige, que ce soit le professionnel avec son client et le client justement avec la personne qui délivre la prestation. Donc ce contrat, une fois rédigé, vise à encadrer les droits et obligations des deux parties, comme tu as pu l'indiquer au préambule de cette conférence. L'écrit est-il obligatoire ? Alors, il n'y a pas d'obligation dans les textes en ce sens. Toutefois, matérialiser un contrat avec un écrit reste fortement recommandé afin d'éclaircir justement la relation entre les parties et éviter tout litige futur. Fréquemment, les professionnels communiquent des devis à leurs clients. Cela consiste, avant même qu'il y ait un accord entre les parties, à remettre un écrit au client, détaillant notamment les prestations que le professionnel souhaite réaliser à la demande de son client, ainsi que le prix et la date de la réalisation de la prestation. Ce devis, il permet au client d'avoir une idée précise de la prestation qui va être réalisée et, en cas d'acceptation justement de sa part, de matérialiser effectivement son accord à la réalisation des prestations prévues. On peut évoquer le fait que si le client est un particulier, le code de la consommation peut s'appliquer, où il y a tout un tas d'obligations qui pèsent sur le professionnel, notamment des obligations d'information précontractuelle et qui sont en général justement précisées dans ce devis. Il y a aussi des obligations en matière de délai. Par exemple, si jamais le professionnel ne précise pas justement un délai précis dans ce contrat, il doit s'exécuter sous un certain délai, notamment 30 jours, en cas de silence dans le devis, par exemple. La rédaction d'un devis n'a pas les mêmes conséquences pour le professionnel et pour le client. Ça, c'est important de le savoir. Le devis va engager définitivement le professionnel sur le prix et les modalités d'exécution de sa prestation. C'est pourquoi il peut être opportun de limiter la durée de validité d'un devis, de le préciser. En général, on peut préciser un délai d'un mois ou de 2 semaines. Et le client, lui, de son côté, n'est engagé qu'à partir du moment où il exprime sa volonté de confier au professionnel l'exécution de la prestation. À partir du moment où il donne son consentement en signant le devis, par exemple, en le paraphant ou en payant le prix prévu. Merci beaucoup, Hugo. À quoi s'engagent les parties en signant? Un peu comme en droit des contrats, en signant et en paraphant le contrat, les parties s'engagent à respecter son contenu et le mettre en œuvre de bonne foi. Elles s'engagent également à réaliser chacune les prestations qui ont été mises à leur charge. Le prestataire de service, lui, il s'engage à réaliser la prestation pour laquelle le client fait appel à lui. Par exemple, un prestataire informatique s'engage à maintenir le bon état de tout le matériel informatique d'une entreprise, ou un ouvrier à refaire la peinture de votre salon, par exemple. Et lui, le client, de son côté, va s'engager à rémunérer le prestataire comme c'est prévu dans le contrat. Très bien. Et quelles sont les différentes clauses à ne pas négliger? Alors, pour le contrat de prestation de service, il peut être opportun d'indiquer certaines informations, effectivement, notamment les informations relatives aux parties, donc le nom, l'adresse, s'il s'agit d'une société, sa forme sociale, le montant du capital social, le nom du représentant légal, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il peut être opportun aussi d'indiquer le montant du prix ou les modalités de son établissement, la date, les modalités de réalisation de la prestation, la durée du contrat ou encore la loi applicable au contrat et le tribunal compétent en cas de litige, si jamais par exemple les parties ont des nationalités différentes. Il faut garder à l'esprit qu'en ce qui concerne les modalités de réalisation de la prestation, elles doivent être rédigées avec précision pour réduire les risques d'incompréhension entre vous et votre co-contractant. C'est pourquoi il est important de rédiger un contrat de prestation de service au cas par cas, notamment à l'aide d'un conseiller juridique, ça peut être un avocat par exemple, pour qu'il soit spécifiquement adapté à la situation de l'entreprise et du client. Il est également important de rappeler et d'anticiper et d'envisager la survenue d'un conflit, un conflit au sens large, dès la phase de négociation contractuelle. Et pour cela, on peut penser notamment à rédiger les modalités de sa résolution avec les tentatives préalables de résolution amiable, avec le recours à un médiateur, les modalités de mise en demeure avant la saisie du juge, la désignation du juge compétent, etc. clause d'arbitrage aussi, c'est possible. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il faut envisager les possibilités pour l'une ou l'autre des parties de sortir du contrat, notamment avec l'insertion d'une clause particulière qu'on appelle souvent la clause de résiliation, où l'on peut décrire les motifs qui permettent de l'utiliser, cette clause de résiliation, et les modalités de sa mise en œuvre. Alors justement, comment résilier un contrat de prestation de service ? Alors, il existe des particularités au sujet de la résiliation d'un contrat de prestation de service, et notamment au regard de sa durée. S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, le contrat, logiquement, prend fin lorsque la prestation convenue est réalisée, ou si c'est une prestation, par exemple, qui s'effectue dans le temps, eh bien, à la date prévue dans le contrat. Par exemple, un contrat de gardiennage où un prestataire en a besoin justement sur plus ou moins long terme, on peut préciser justement la date de fin de contrat et à ce moment-là, on va caractériser le fait que c'est un contrat à durée déterminée. Et il est également possible de résilier de façon anticipée ce contrat à durée déterminée, notamment lorsqu'il y a des cas de violation du contrat par l'une ou l'autre des parties. Quand on parle de violation, on parle notamment d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat. Et les parties peuvent convenir d'une cessation anticipée à l'amiable également. Donc, soit c'est du contentieux, l'une partie ne respecte pas ce qu'elle avait prévu, ou ce sur quoi elle s'était engagée en tout cas, ou alors de façon amiable, elle met fin au contrat. Dans tous les cas, il faudrait matérialiser le plus possible les échanges par écrit entre les co-contractants, de préférence en lettre recommandée avec accusé de réception, dans un souci de traçabilité tout simplement de ces derniers. Et en cas de contestation par l'une des parties, par exemple, eh bien, vous aurez au moins des éléments tangibles à apporter à votre co-contractant pour prouver, par exemple, votre bonne foi sur des informations que vous auriez pu lui communiquer, par exemple. Donc ça, c'est pour le contrat à durée déterminée. Et pour faire un peu plus court sur le contrat à durée indéterminée cette fois-ci, les parties peuvent décider de rompre leur contrat à tout moment. Elles ne sont pas enfermées ad vitam aeternam, sous réserve de respecter ce qu'on appelle un délai de préavis raisonnable. Ce mot raisonnable est très important et qui peut être prévu dans le contrat. Donc ça, c'est justement la situation idéale. Et parfois, ça ne l'est pas. Donc justement, toute la difficulté, c'est de déterminer quel est ce délai de préavis raisonnable. Donc lorsque les parties ne se mettent pas d'accord entre elles, bien souvent, ça va être l'intervention d'un tiers et in fine, un juge qui peut trancher justement dans ce type de situation. Merci beaucoup Hugo et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les explications d'Hugo dans le dossier que vous a mis Elodie dans le chat et vous pouvez également télécharger directement notre modèle de contrat de prestation de service créé par nos juristes. Vous pouvez le télécharger directement sur le site de Jury Travail. Nous pouvons penser du coup à notre deuxième focus qui cette fois-ci est sur le contrat de partenariat commercial. Donc, peux-tu nous donner une définition du contrat de partenariat commercial, s'il te plaît ? Le contrat de partenariat commercial, à l'instar du contrat de prestation de service, ce contrat appartient à la famille des contrats commerciaux. Et le terme de partenariat indique en général que les deux parties vont mettre en commun leurs ressources et leurs forces afin d'atteindre un objectif commun. Pour une société, par exemple, qui manque de moyens spécifiques, peut très bien faire appel à un spécialiste dans un secteur déterminé, et un tel modèle de collaboration peut être intéressant. Dans ce type de contrat, on est vraiment dans un équilibre de force qui est plus marqué, enfin, c'est plus équilibré que, par exemple, sur un contrat de prestation de service classique. C'est un contrat qui permet aussi de déterminer l'objectif à atteindre pour les deux parties et la rémunération de chacune si jamais justement c'est prévu. Et il peut également prendre la forme d'un contrat qui est aussi connu, qu'on appelle le contrat de sponsoring par exemple, qui ce dernier peut par exemple augmenter l'image de marque, améliorer l'image de marque, par exemple, d'une ou de chaque partie. Sur le plan juridique et financier, les parties, justement, à ce type de contrat, de partenariat commercial, restent complètement autonomes. Là, on parle de liberté contractuelle. Et une telle convention peut être très différente d'un contrat d'apporteur d'affaires, par exemple, ou d'un contrat de distribution. C'est vraiment un contrat distinct. Et le prestataire, ici, ne représente pas son client. Il agit de façon indépendante. Il n'y a donc pas de lien de subordination entre la société, l'entreprise, et le partenaire qui pourrait requalifier le contrat de partenariat en un contrat de travail, si le partenaire est un entrepreneur individuel, par exemple. Petite précision supplémentaire, le contrat de partenariat commercial n'a rien à voir non plus avec une association ou un pacte d'associés, par exemple. C'est vraiment un contrat distinct, particulier, voilà. Merci Hugo, c'était très clair. Et du coup, que peut-on retrouver dans un contrat de partenariat commercial conclu entre deux sociétés? Alors généralement, on y retrouve dans un premier temps ce qu'on appelle l'objet, c'est-à-dire la description la plus concrète et précise des travaux que chaque partie doit effectuer, ainsi que de leurs attentes respectives. On peut inscrire également les modalités d'exécution. Donc, un contrat de partenariat commercial pourra par exemple prévoir certaines prestations comme la participation à des salons, des échanges de bases de données clients, du démarchage, etc. Autre élément qu'on peut retrouver dans ce type de contrat, c'est la durée du contrat. Un contrat de partenariat peut être à durée déterminée ou pas. Et il faut faire attention parce que ce choix a des conséquences sur les modalités de rupture, comme on a pu le voir précédemment. Et enfin, ce qu'on peut retrouver de façon générale aussi, c'est le prix, les modalités de paiement du prix qui sont très importantes, qui sont parfois une source importante de litige, et les modalités de fin de contrat qui le sont également. Merci beaucoup Hugo. Avant de passer à notre quatrième grande partie sur le contrat d'apporteur d'affaires, je vous rappelle que vous pouvez poser votre question dans le chat qui se trouve à droite de votre écran. Et si une question vous vient après la webconférence, sachez que en cliquant sur le petit bouton que vous avez en bas de votre écran, vous avez un encart sous les formules de Jury Travail qui vous permet de poser une question gratuitement. Votre première question est gratuite à nos juristes qui seront ravis de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à mettre ce lien directement dans vos favoris. Si une question vous vient sur les contrats commerciaux ou sur tout autre sujet qui touche à votre entreprise, nous serons ravis de vous répondre et de vous aider. Donc, quatrième grande partie cette fois-ci sur le contrat d'apporteur d'affaires. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'apport d'affaires consiste en la mise en relation de plusieurs personnes pour qu'elles concluent un accord commercial, un contrat de vente, partenariat, contrat de prestation de service. En contrepartie, l'entreprise rémunère l'apporteur d'affaires avec, au choix, une commission assortie d'une rémunération forfaitaire, une commission indexée sur le montant du contrat signé ou le paiement d'une rémunération forfaitaire classique. De plus, le contrat d'apport d'affaires peut déterminer si l'apporteur d'affaires est rémunéré soit sur la simple mise en relation ou si la rémunération est due lorsque la mise en relation est concluante. En principe, l'apport d'affaires n'est pas une activité réglementée. La loi n'en apporte aucune définition. Et afin d'éviter tout conflit, ça va être le contrat d'apport d'affaires qui va fixer l'ensemble des modalités de l'activité. Donc, comme on l'a dit, le montant des commissions, les modalités de mise en œuvre de la mise en relation, etc. On peut aussi préciser que certaines professions réglementées peuvent être qualifiés d'apporteurs d'affaires. C'est notamment le cas des agents immobiliers, des courtiers en assurance, il y en a d'autres. Et la loi leur impose à ces professions une certaine déontologie, un cadre d'exercice, ça peut être aussi un diplôme pour effectuer légalement cette mise en relation. Merci beaucoup Hugo. Et comment rédiger un contrat d'apporteur d'affaires? Alors, les contrats d'apport d'affaires sont généralement rédigés au cas par cas, pas de surprise, mais il y a néanmoins des clauses communes à tout contrat d'apport d'affaires, à savoir l'identité des parties, l'objet du contrat, l'étendue des pouvoirs de l'apporteur d'affaires, est-ce que par exemple ce dernier peut disposer d'un pouvoir de négociation, les produits ou services à présenter, les commissions, comme on l'a vu précédemment, la durée du contrat, est-ce que c'est à durée déterminée ou non, et classiquement, encore une fois, les conditions de rupture de contrat. On se rend compte ici que il y a certaines clauses qui sont présentes, quelle que soit la nature du contrat, prestation de service, partenariat commercial. Bien sûr, après, on peut rajouter d'autres clauses particulières, notamment des clauses d'exclusivité. Et pour ça, encore une fois, si jamais ça vous intéresse de vous éclairer sur le sujet, sur tous les types de clauses que vous pouvez insérer dans votre contrat pour le personnaliser encore plus, ou vous protéger, vous et la partie et l'autre partie, vous pouvez également vous rendre sur notre site. Nous avons des dossiers justement dédiés à cet effet. Voilà. Merci beaucoup, Hugo. Pourquoi faire appel à un apporteur d'affaires? Alors, chaque contrat, bien sûr, a son propre intérêt. Là, l'apport d'affaires est en principe rémunéré à la commission du montant des mises en relation concluantes. Et l'apport d'affaires va être un coût variable pour l'entreprise. Contrairement, par exemple, au commercial, par exemple, salarié, qui, en tant que salarié, représente un coût fixe pour l'entreprise. Donc, peu importe leur performance commerciale, ils perçoivent mensuellement une rémunération fixe et leur rémunération n'est pas totalement indexée sur la performance, par exemple, de l'entreprise. L'avantage aussi de l'apport d'affaires réside dans le fait que l'apporteur est payé lorsqu'il rapporte de l'argent à l'entreprise. La commission de l'apporteur d'affaires peut être dès la conclusion du contrat, objet de la mise en relation. Or, le contrat conclu peut prévoir aussi un paiement intervenant à la fin de la prestation ou à la livraison, par exemple, du produit. Il y a toute une liberté dans ce sens. Après, c'est chaque partie qui le rédige en fonction de ses besoins, de ses capacités financières et de comment on peut travailler, par exemple, tel apporteur d'affaires. Merci beaucoup, Hugo. J'espère, Valérie, dans nos participants, que ce que vient de dire Hugo a répondu à votre question sur la rémunération du coup, des apporteurs d'affaires. Petite question, y a-t-il un plafond de rémunération annuel, Hugo? Un plafond de rémunération annuelle sur l'apporteur enfin sur l'apport oui. d'affaires? Oui. Alors, pas ma connaissance. Je voudrais pas vous dire des bêtises parce que n'ayant pas la réponse, je pense que ça nécessiterait une recherche. Là, de façon pragmatique, je répondrai par la négative. Après, si jamais vous souhaitez avoir une réponse, confirmer ce que je viens de vous dire, je peux que vous inviter à essayer nos services et à nous appeler. Comme ça, on pourra prendre le soin de faire une recherche de quelques minutes et vous aurez la réponse très rapidement. Absolument. Valérie, vous pouvez poser votre question du coup en cliquant sur le petit bouton en bas de votre écran. Je vous rappelle, cette question-là est bien sûr gratuite. Merci beaucoup. Hugo, pour toutes ces précisions, nous allons pouvoir passer à notre cinquième grande partie, cette fois-ci sur les litiges, avec une première question. Quel tribunal saisir lorsque les parties sont issues de pays différents? Alors, c'est une question qui est très intéressante. Le tribunal compétent est souvent prévu explicitement par une clause au sein du contrat. À défaut de clause, le tribunal compétent est considéré comme celui du territoire de l'État membre dans lequel le défendeur, donc c'est la personne contre laquelle il y a une action en justice qui est engagée contre elle, est domicilié, sans considération de nationalité. Il peut y avoir aussi d'autres règles de compétence qui qui peuvent permettre justement de déterminer la juridiction compétente. Ça va être par exemple la règle du lieu d'exécution de l'obligation, ce qui est le cas en matière contractuelle. Merci beaucoup, Hugo. Le juge peut-il modifier le montant des sommes prévues par le contrat ? Alors, le juge, même s'il a certaines prérogatives, n'a pas le droit en principe de modifier le montant des sommes qui ont été stipulées au contrat. En effet, ça fait partie de la liberté contractuelle. Les parties sont libres de fixer le prix qu'elles entendent payer pour les prestations ou les biens vendus. En revanche, il y a certaines clauses effectivement que le juge peut justement déclarer abusives, notamment si elle prévoit une responsabilité, notamment du professionnel, qui serait limitée à un montant trop faible s'il n'exécute pas ses obligations, par exemple. À ce moment-là, le juge considérera que c'est une clause non écrite, elle sera réputée non écrite, si ce dernier estime que cette clause crée un déséquilibre significatif au détriment de la partie protégée. Dans d'autres situations, une clause stipulée dans le contrat pourra être modifiée par le juge, et c'est le cas spécifique des clauses pénales. Les clauses pénales, c'est celles par lesquelles on peut prévoir le montant des dommages et intérêts qui seront dus de manière forfaitaire en cas d'inexécution des obligations du contrat. Si le montant est dérisoire, justement, sur ces clauses pénales, ou à l'inverse excessif, par rapport au préjudice né de l'inexécution du contrat ou de la mauvaise exécution, à ce moment-là, oui, le juge peut modifier le montant prévu au contrat. Merci beaucoup, Hugo. Autre question, quelles sont les règles applicables aux pénalités de retard ? Alors, les règles applicables aux pénalités de retard, elles sont prévues au sein du Code de commerce. C'est un régime assez spécifique et un mécanisme un peu particulier. Et je peux vous inviter justement à vous rapprocher de notre dossier justement qui est prévu à cet effet, qui précise justement toutes les modalités et les règles justement applicables aux pénalités de retard. Donc voilà, je peux que vous inviter vivement à vous rapprocher de ce dossier qui est très exhaustif justement en la matière, avec justement des délais qui sont précisés pour l'exigence de certaines pénalités. Absolument, merci Hugo. Vous pourrez retrouver donc, comme le disait Hugo, un dossier spécifique aux litiges commerciaux qui vont pouvoir vous donner toutes les procédures existantes pour régler effectivement ces litiges-là. Et si vous avez un cas spécifique, n'hésitez pas à poser la question, je vous le redis, à nos juristes. Ils pourront vraiment faire les recherches adéquates et vous répondre précisément sur votre problématique. Elodie a dû vous envoyer un lien pour vous permettre de recevoir un email avec le replay de cette webconférence. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Nous serons ravis de vous envoyer du coup le replay et la présentation du coup par email. Autre question, existe-t-il un délai de rétractation entre professionnels, Hugo ? Alors, en principe, ce droit, il est accordé seulement aux consommateurs, dans un souci d'équilibre de la relation contractuelle. Mais effectivement, il existe un délai de rétractation entre professionnels, et c'est notamment la loi Hamon du 17 mars 2014 qui étend ce droit de rétractation à certains petits professionnels et dans des conditions précises. Que ce soit les entrepreneurs individuels, les professionnels libéraux, les TPE. Et pour cela, il existe trois conditions qui doivent être toutes réunies, elles sont cumulatives, pour bénéficier justement de ce droit de rétractation entre professionnels. Donc il faut que le contrat, dans un premier temps, soit conclu, en dehors de l'établissement du client. Deuxième condition, que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du client. Et troisième et dernière condition, que l'entreprise qui souhaite bénéficier de ce droit doit employer au maximum 5 salariés. Alors, il existe des exceptions à ce principe, justement, à ce droit qui est accordé aux professionnels, où celui-ci n'est pas applicable malheureusement, et c'est prévu par le Code de la consommation. C'est notamment le cas des contrats de prestation de services d'hébergement, de services de transport de biens, de location de voiture, etc. Il y a toute une liste exhaustive qui est précisée par le Code de la consommation qui peut être intéressante justement de regarder pour savoir si justement en tant que professionnel, on peut avoir le bénéfice de ce droit. Et par principe, ce délai de rétractation entre professionnels, il est de 14 jours minimum, donc c'est comme pour les consommateurs, à savoir que le contrat de vente ou le contrat d'une autre nature ou les conditions générales de vente peuvent prévoir un délai plus avantageux. Ça, c'est encore une fois à la libre rédaction des parties et c'est encore une fois, ça découle de la liberté contractuelle. Merci beaucoup Hugo pour toutes ces explications très claires sur les contrats commerciaux. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir passer à vos questions. Il y en a peu. Je pense que tu as été très exhaustif et clair Hugo. Je vous le rappelle, n'hésitez vraiment pas si une question vous vient par la suite à la poser à nos juristes via le lien, le petit bouton que vous avez en bas de votre écran. Mais première question de nos participants, du coup, Hugo, si l'apporteur d'affaires est un pro, devons-nous demander une facture avec ou sans TVA ? Tu m'as dit si est un pro, professionnel, ouais. Devons-nous demander une facture ? Si oui, avec ou sans TVA ? Alors, effectivement, une facture doit être obligatoirement établie. Ça, c'est prévu au sein du Code de commerce pour chaque vente de biens ou prestation de service. C'est une facture qui doit normalement être délivrée au moment de la livraison du bien ou de la réalisation de la prestation de service. Et au niveau de la TVA, je voudrais pas vous dire de bêtises. Encore une fois, il faudrait que je fasse une recherche. Il me semble que oui, mais encore une fois, je prends des pincettes, je vais pas vous dire de bêtises et ça mériterait de faire une recherche de quelques minutes. Donc encore une fois, voilà, je vous invite à nous appeler, on sera un plaisir justement de pouvoir vous répondre sur le sujet. Merci Hugo. Quand nos apporteurs d'affaires sont des particuliers, sommes-nous obligés de faire un contrat ? Si notre apporteur d'affaires est un particulier ? Ouais. Alors encore une fois, il n'y a pas d'obligation de rédaction de contrat, mais comme on a pu le voir précédemment, c'est souhaitable que un contrat soit écrit de façon à matérialiser la relation contractuelle et justement anticiper un éventuel litige à l'avenir. Mais après, voilà, je vous dis, comme quand on a un client qui n'est pas un professionnel, il y a toujours des obligations qui pèsent aussi sur le professionnel, notamment en matière d'informations précontractuelles. Donc voilà, même si dans la loi, on ne précise pas que c'est une obligation, c'est quand même souhaitable. Règle générale, les gens rédigent quand même un écrit. Ok, merci beaucoup Hugo. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le replay directement dans votre boîte mail avec la présentation. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver sur l'ensemble de notre site nos dossiers thématiques rédigés par nos juristes avec un spécifique sur la rédaction des contrats commerciaux qui contient 8 modèles de contrats créés par nos juristes, un autre dossier qui est spécifique cette fois-ci sur les litiges commerciaux où sont inclus 6 modèles de lettres prêts à l'emploi. Et évidemment, vous avez également tous les modèles que vous pouvez télécharger seul hors dossier de modèles de contrat que vous pourrez utiliser directement au sein de votre entreprise et pour vos partenariats commerciaux. Merci beaucoup Hugo pour l'ensemble de ces éléments-là, c'était très clair. Merci à tous de votre participation, je vous donne rendez-vous. Le 11 octobre, cette fois-ci avec notre juriste Gwenaëlle Petit, pour une webconférence sur le licenciement pour motif économique. On fera un tour des procédures, des étapes et des délais qui vous incombent à vous en tant qu'employeur. Et je vous donne également rendez-vous le 17 octobre, cette fois-ci avec notre juriste Alexandra Marion. Et nous parlerons de vos obligations et des aides auxquelles vous pouvez prétendre pour l'emploi de travailleurs handicapés. Je vous remercie encore une fois de votre participation. Merci encore Hugo. Merci à toutes et toutes et merci Mylène. Avec plaisir et à très très bientôt sur Jury Travail. Au revoir.